étincelle, je pars, je cours, je grimpe, j'exulte. Je me propage sans présage, le carrelage et mon cul cultivateur de presse pleine d'ardeur. Je m'attarde en blasphémateur, marque autant que je me ma terreur. Tyran, je maîtrise l'espace et les vents. Maître sinon Dieu, mon règne se joue du temps. Mais sinistre, sans grandiose, osé, sans pitié, consumable ou pas, tout fini au sein de mon brasier. Alors cesse et accepte mes caresses. Rien ne sert de fuir, c'est toi que je désire. Je gagne du terrain car ce monde est mien. L'élément feu incarné, quelque peu illuminé. Criminel incendiaire ou pyromane émissaire, ils sont suppôts volontaires de ma puissance caniculaire. Je dépasse toute pensée et en sens ma fierté. Je suis luxurieux à souhait, ardent, torride et agité. Ta course est vaine, tu es la prochaine. Je brûle de désir, ma force fait sentir. Je brûle le désir, j'aime à anéantir. Des feux à plus ressurgissent, prennent forme et sens et me créent. L'inconscient devient conscient, j'incarne le feu transcendé. Je consume, je cassine, je brûle, j'inocule tout crépuscule. Mes armées jamais de recul, je suis le seul qu'elles a dû. Brûle, brûle, brûle, allez sans l'essence. Brûle, brûle, brûle, la carte son excellence. Brûle, brûle, brûle, allez sans l'essence. Brûle, brûle, brûle, la carte son excellence. Brûle, brûle, brûle, allez sans l'essence. L'essence. Brûle, brûle, brûle. Leurs éclairs, j'offre de grands bouchers de guerre en digne signataire sévère. En soumis, dressé par Dieu et l'homme. Puissance élémentaire, je prouve le contraire, je fais le maximum. Personne me possède, je suis bien plus que cher. Je brandis ma connaissance utile tandis qu'elle faille. Toi, je peux perdre mon foyer grandi, mon orgueil renchéri. Je suis corps et esprit, sans répit mépris. Tel Prométhée attaché, écroué son foie en proie au désarroi. Le même au palais que le débat, Prométhée, Aïda. La descente, t'as quand l'essence.